بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعودة إلى محاضرة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، إن غبنوا على كونفيرونس دو الشيخ عبد الرزاق، الله سبحانه وتعالى البريزارف. كيف يدخل الشيطان على العبد، وكيف يجعل الشيطان العبد غير متبع لهدى الله عز وجل. إن سمعت لا كم الشيطان سيمس ها كم يسيمس dans l'esprit de la du serviteur de Allah سبحانه وتعالى. كم الشيطان il fait que le serviteur de Allah سبحانه وتعالى ne suit pas la guidance d'Allah. يقول حفظه الله ليس للشيطان على العبد إلا منفذين، إما منفذ الشبهة أو منفذ الشهوة، إما أن يوقعه في الشبهات أو يوقعه في الشهوات. هذه منافذ الشيطان، ليس له على الإنسان إلا منفذان: منفذ الشبهة يأتيه ويشككه في دين الله، ويشككه في العقيدة، يشككه في أصول الإيمان، يجعل فيه فسادا في التصور، فسادا في الإدراك، وفسادا في فهم الحقائق، فيكون من أهل الشبهات. ولهذا يصف أهل السنة والجماعة أهل البدع بأنهم أهل الشبهات، لأن الأمور اشتبهت عليهم، التبست عليهم بسبب كيد الشيطان لهم، أوقعهم في الشبه، فهذا مدخل. ولهذا ترى هؤلاء دائما يعترضون على دين الله، ويعترضون على أصول الاعتقاد، ويعترضون على أفعال الله تبارك وتعالى دائما. كيف كذا؟ ولما كذا؟ وكيف يكون كذا؟ وهذا لا يكون كذا؟ هذه الشبهات التي تدخل على أولئك وتنفذ إليهم. Donc, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit, Shaitan, il n'a de pouvoir sur l'être humain, sur le serviteur, que par deux rentrées, par deux voies il arrive. Ce sont les deux seules voies par lesquelles vient Shaitan vers l'être humain. Soit la voie de l'ambiguïté, soit la voie de la tentation. Soit il le fait tomber dans les ambiguïtés, soit il le fait tomber dans les tentations. Ça, ce sont les voies vers lesquelles, par lesquelles attaque Shaitan l'être humain. Ces deux voies-là. La voie de l'ambiguïté, il vient vers lui, il commence à le douter, à le faire douter de la religion d'Allah, à le faire douter sur ses croyances, à le faire douter sur les fondements de la foi, à immiscer dans son esprit une fausse imagination des situations et à l'induire vers une mauvaise compréhension. Hein? Il ne comprend plus les choses comme il doit les comprendre. Il ne comprend plus les choses sur leur réalité. Donc il devient parmi les gens de quoi? Des ambiguïtés. C'est pour ça que les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, parmi nos pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim, décrivent les gens de l'innovation. Pourquoi ce sont les gens de l'ambiguïté? Car les choses ne sont plus claires pour eux. Les choses sont ambiguës pour eux. Pourquoi ? À cause du manigance d'El Shaitan. À cause du complot d'El Shaitan. Shaitan les a fait tomber dans ces ambiguïtés. Et ça, c'est une des entrées par laquelle rentre Shaitan. Hein? C'est pour ça que tu vois cela. Les gens de l'ambiguïté et de l'innovation s'opposent toujours à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et au fondement des croyances et s'opposer aux œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que Allah subhanahu wa ta'ala accomplit. Pourquoi ceci? Comment cela se fait? Comment la situation n'est pas comme ça? Pourquoi il est comme ça? Et ainsi de suite. Et ça, ce sont les ambiguïtés. Hein? Qui se sont immiscés dans l'esprit de ceux-là et dans leur cœur, qui les a amenés à ce point-là. Amma al-mu'min, fa'innahu yaqifu amama akhbarillahi ala qadami at-taslim. في الأخبار لا يقول المسلم كيف، وفي الأوامر لا يقول المسلم لما، بل يسلم وينقاد ويصدق ويعلم أن هذا خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. كنت كخويون devant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé, il est là, il est soumis, il accepte, il prend comme véridique, il est soumis. Il ne dit pas comment, là il est soumis, il prend comme véridique. Concernant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas pourquoi, il se soumet, il se conditionne, il prend comme véridique. Et il sait que ça, c'est ce qu'a annoncé Allah, ce qu'a annoncé le messager, alayhi salatu wassalam, khlas. Et les autres, c'est ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné, ce que le messager a ordonné, khlas. Il se soumet. Al-akhbar, la yakoulu fiha al-muslim kayf. Wa al-awamir, la yakoulu fiha lima. Qala Allah, azza wa jal, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'aloun. Et concernant ce qui est annoncé par Allah et par son messager, le musulman ne dit pas comment. Comment ? Et concernant les ordres, il ne dit pas pourquoi. Pourquoi je dois faire ça ? Et le verset, il est clair, qu'a cité ici Cheikh dans sa traduction approximative. On ne pose pas de questions à Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il fait. Mais les humains, les questions leur seront posées. Hein ? Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pose pas de questions. Abadan. La ya'taridu al-muslim ala Allah wa la yuhawil an yakhud fi akhbar Allah wa ma yata'allaqu bi asma'ihi wa sifatihi wal umur al-mughayyaba la yuhawil an yakhud fiha bi kayf. Le musulman ne s'oppose pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'essaye pas de litiger et de disserter sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé et ce qui a rapport et tout ce qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne litige pas, il ne polémique pas, il ne disserte pas sur tout ce qui est du domaine de l'invisible. Il ne va pas chercher le comment des attributs d'Allah, les comment on voit ceci ou quoi que ce soit. Khlas, l'annonce a été annoncée min Allah, c'est la vérité. L'annonce a été annoncée de Rasulullah. Khlas, il prend comme véridique, khlas. Il ne cherche pas comment, pourquoi. يقول المثال الذي أشرت إليه قبل قليل وهو أن الكافر يأتي يوم القيامة يمشي على وجهه. لو أخضعنا هذا الأمر إلى عقولنا القاصرة ماذا سنقول؟ Il dit l'exemple qu'il a cité auparavant, quand il a cité le verset où le mécréant va, le jour de la résurrection, il va marcher sur son visage. Il a dit, si on soumet cette image et cet aspect, cette situation à notre raison, qu'est-ce que nous allons dire? Si on soumet cette situation à notre raison, qu'est-ce que nous allons dire? يقول ولو فتحنا مجالا للشبهات ماذا سنقول? Il dit, si on ouvre la porte à l'ambiguïté, qu'est-ce que nous allons dire de cette situation? كيف يمشي على وجهه? Comment il va marcher sur son visage? لكن إذا وقف الإنسان على قدم التسليم اطمأن قلبه وزال من الحيرة ومن الشك. Mais si, il dit حفظه الله تعالى, si l'être humain, il est dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, il a la quiétude dans son cœur, il est apaisé. Il n'y aura pas de doute, aucun doute en lui, pas d'hésitation. Rien. يقول ولهذا يجب على كل مسلم أن يقف مع الأخبار على قدم التسليم وأن يقف مع الأوامر على قدم الطاعة والامتثال بدون تردد. أدرك الحكمة أم لم يدركها؟ علم الكنها والكيفية والحقيقة أو لم يعلمها؟ عليه أن يقف على قدم التسليم. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم. Il dit, Habibullah Ta'ala, il est obligatoire à tout musulman, devant ce qui est annoncé min Allah Azza wa Jal, de se soumettre et de prendre comme véridique. Khlas. Ça vient min Allah, c'est la vérité. Khlas. Et devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il obéisse aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans hésitation, qu'il connaisse le but, pourquoi cette chose a été ordonnée, ou qu'il ne connaisse pas. Hein? Qu'il connaisse la réalité ou là qu'il ne la connaisse pas. Ce qui a été annoncé, qu'il connaisse sa réalité ou là qu'il. Du moment que c'est annoncé dans le Coran, annoncé par Allah, annoncé par le messager, il ne cherche pas le comment. Il prend comme véridique. Il devant l'ordre, il se soumet. Même s'il ne connaît pas le but de l'œuvre qui lui a été ordonnée, il se soumet. Hein? Et il a cité le verset dont la traduction approximative dit ceci. Par ton souverain, ils ne croiront que une fois qu'ils te prennent comme juge dans tout litige qu'ils auront entre eux. Et quand tu auras tranché, ils ne trouvent rien à redire, et ce n'est pas suffisant, et qu'ils se soumettent complètement. Qu'ils ne trouvent rien à redire au moment quand la sentence tombe, mais ce n'est pas suffisant. Et aussi se soumettre à cette sentence. Soumission à l'islam. Accepter ce qui vient min Allah Azza wa Jal, et se soumettre à ce qui nous vient min Allah, et ce qui nous vient de notre messager, alayhi salam. يقول بهذا ينال العبد ويحقق العبد اتباع هدى الله تبارك وتعالى بهذه الأمور التي أشرت إليها. Il dit, c'est avec ça que le serviteur va accomplir le suivi de la guidance, avec ces choses sur laquelle il a attiré notre attention et qu'il a cité حفظ الله تعالى. يقول لكن أيها الإخوة يحتاج العبد مع هذا كله إلى توفيق الله عز وجل وإعانته وهدايته, لأن الهداية بيدي من؟ والتوفيق بيدي من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. Il dit, et avec tout ça, frère en Allah عز وجل, le serviteur a besoin que Allah سبحانه وتعالى l'accomplisse, que Allah سبحانه وتعالى l'aide, que Allah سبحانه وتعالى le guide. Car la guidance, il vient de qui? Le fait d'être guidé vient de qui? Le fait d'être accompli dans le bien, il vient de qui? Hein? Tout ça est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdihi Allah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare, personne ne peut le guider. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Et le verset qui cite ici, est-ce que celui à qui on a oublié sa mauvaise œuvre et il a vu que son œuvre, ce qui est mauvaise, est bonne, hein? Car Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Khlas. La guidance est entre les mains de qui? Allah. Et entre eux, hein, et l'égarement est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit chercher, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous préserver de l'égarement. Puisque tout est entre les mains d'Allah. Al-hidayatu biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa lihada yahtaju al-abdu ila an yastahdi Allah. Yatlub min Allah al-hidayah. Et donc la guidance et l'égarement sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'être humain a besoin de demander, de guider, demander cette guidance à Allah subhanahu wa ta'ala. De la demander constamment à Allah subhanahu wa ta'ala. Kana qudwatuna wa uswatuna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yas'alullah azza wa jal hidayah fi mawatina katira jiddan. فمن أدعيته كان يقول في القنوت اللهم اهدني في من هديت اللهم اهدني في من هديت. ومن أدعيته كما في صحيح مسلم اللهم إني أسألك الهدى والسداد. Et notre modèle, celui que nous devons suivre, notre seul modèle, qui est notre messager, alayhi salatu wassalam. Demandez à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'être guidé, la guidance, donc. Comme il est rapporté dans le dua de l'Qunut, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Oh Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. » Il fait partie aussi de ces dua, alayhi salatu wassalam. « Oh Allah, je te demande la guidance et l'accomplissement des œuvres comme il se doit. » يسألك الهدى والسداد ومن أدعيته أيضا كما في صحيح مسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني et dans l'authentique du muslim Rasoul صلى الله عليه وسلم dit demande à Allah oh Allah je te demande oh Allah c'est pour toi que je suis soumis et en toi j'ai cru et en toi j'ai mis ma confiance Et vers toi, je suis revenu. Hein? Oh Allah, je te demande par ta puissance de me préserver. Tu es le seul digne d'être adoré, de me préserver de l'égarement. Hein? Oh Allah, préserve-moi, ne me fais pas égarer. Tu es l'éternel vivant. Hein? Qui ne meurt pas. Les jeunes, les humains mourront. Il disait, alayhi salatu wassalam, Je cherche refuge auprès de ta puissance, Ya Allah, qui tu es le seul digne d'être adoré, que tu ne m'égares pas. Ainsi il disait, alayhi salatu wassalam. Et qui sait hein? Celui qui a la guidance complète. Celui qui a accompli comme il se doit ce qui lui a été demandé, alayhi salatu wassalam. Bala ayyuha al-ikhwa, shuri'a lana jami'an. أن نقول في الصلاة بل في كل ركعة من كل صلاة فرض فرضت علينا فرضا أن نقول في كل ركعة من كل الصلوات اهدنا الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل يوم كم مرة فرضا 17 مرة أما إذا كنا نصلي النوافل ونحافظ عليها فإننا في كل يوم مرات كثيرة نقول اهدنا الصراط المستقيم Et il dit حفظه الله تعالى Oh frère, il nous a été légiféré à tous de dire dans chacune de nos rak'at parmi les prières obligatoires que nous faisons guide-nous sur la voie droite Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala combien de fois cette guidance 17 fois dans nos prières obligatoires. Il dit maintenant, si on fait des prières surrogatoires et qu'on les préserve, combien de fois nous allons répéter ce dua guide-nous sur la voie droite. Il dit, « Wa qawluna fi s-salat, ihdina s-sirat al-mustaqim. Hada dua'un wa su'al. » اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Et il dit le fait de dire dans notre prière guide-nous sur la voie droite c'est une demande c'est une question et une demande guide-nous sur la voie droite la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits et non la voie de ceux qui ont cours ta colère et la voie des égarés الذين هداهم الله الصراط المستقيم هم الذين جمعوا بين ماذا بين العلم والعمل صلاح العلم وصلاح العمل الرشاد والهداية التي لدينا أشرت إليهما سابقا من جمع بين الرشاد والهداية فهو من الذين أنعم الله عليهم إلدي حفظه الله تعالى سك الله سبحانه وتعالى à guider sur la voie droite. C'est ceux qui ont réuni entre eux la science et la mise en application et l'œuvre. L'authenticité de la science et les bonnes œuvres, ils les ont réunis. Ils ont réuni entre la guidance et le fait d'accomplir les œuvres. les deux points hein, qu'il a cités auparavant. Celui qui réunit entre la guidance et l'accomplissement des œuvres, celui-là fera partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala accomplit de ce bienfait. إذا فسد العلم يكون مغضوبا عليه وإذا فسد العمل يكون ضالا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et donc quand la science est mauvaise, il va être parmi ceux qui ont encore la colère d'Allah. Et si les œuvres sont mauvaises, il va faire partie de ceux qui se sont égarés. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non la voie de ceux qui ont cours ta colère, et non la voie des égarés. في هذا الدعاء يسأل المسلم ربه كمال العلم وكمال العمل. Dans ce dua, le musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala que sa science soit bien, soit complète, ainsi que ses œuvres. أما المغضوب عليهم فهم اليهود كما جاء ذلك في الحديث الذين علموا ولم يعملوا فوصفهم الله سبحانه وتعالى هكذا مثل الذين حملوا الثوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله بالجهل يعني عبدوا الله بغير علم فسد عملهم وأولئك فسد فيهم جانب العلم فلم يقبلوه والمسلم يسأل الله أن يجنبه هذين الطريقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et donc ce dua dans lequel le musulman il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir la science authentique, la science complète et d'avoir des bonnes œuvres et des œuvres complètes. Quant à ceux qui encourent la colère d'Allah, ce sont les juifs, comme il a été rapporté dans le hadith de notre messager alayhi salatu wassalam, qui ont appris et qui n'ont pas mis en application. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran d'une mauvaise description. Dans Surat al-Jumu'ah, l'exemple de ceux à qui était donnée la science de la Torah, à qui était donnée la Torah, c'est-à-dire la science de la Torah. Et ils ne l'ont pas mis en application. Ceux-là sont comme les ânes sur lesquels on met des fardeaux. Tu mets une librairie sur le dos d'un âne, il comprend quoi? C'est horrible l'image. On a fait Allah subhanahu wa ta'ala de ceux qui ont la science, qu'ils ne la mettent pas en application. Et les égarés, ce sont les chrétiens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et leurs œuvres sont mauvaises, sont dans l'égarement. Les autres, le côté mauvais chez eux, c'est au niveau de la science. Ils ont la science, ils ne l'ont pas acceptée, c'est-à-dire ils ne l'ont pas mis en application. Et le musulman, il demande chaque jour à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire éviter ces deux voies, la voie de ceux qui ont cours sa colère et la voie des égarés. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non la voie de ceux qui ont cours ta colère et non la voie des égarés. Ça se ferait en Allah Azza wa Jal que ce Coran, il est descendu pour qu'il soit médité et qu'on le mette en application. Et la répétition de cette sourate et de ce dua doit avoir un impact sur nous. Et nous devons chaque chose que nous avons appris la mettre en application pour sortir de la voie de ceux qui ont cours la colère d'Allah et ne rien faire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans preuve pour sortir de la voie de ceux qui se sont égarés à l'islam. Le Coran il est descendu pour ça, pour qu'il soit médité, pour qu'il soit mis en application. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran ou alors leurs cœurs sont cadenassés? La Bouddha, l'Islam. Il dit, حفظه الله, هنا أيضا سؤال لعلي أختم به هذه الكلمة والموضوع أيها الإخوة طويل لكن لعل فيما سمعتم فائدة ونفع إن شاء الله في هذا الموضوع العظيم. يقول هنا سؤال ما هي الأمور التي تصد الإنسان عن اتباع هدى الله عز وجل. Il dit, حفظه الله تعالى, voici une question avec laquelle je vais conclure cette conférence. Il dit, le sujet il est long. Mais peut-être dans ce que vous avez, dans ce qu'il a cité, il dit, dans ce que j'ai cité, il y a des points à retenir, et des choses à méditer, et des choses qui vont être bénéfiques à ce niveau-là, et à ce niveau de ce sujet très important. Il dit, il y a une question ici, importante. C'est quoi les choses qui font que l'être humain ne suit pas la guidance d'Allah? C'est quoi les causes qui font qu'il dévie et qui ne suit pas la guidance d'Allah? يقول لا شك أن هناك أمور كثيرة تصد الإنسان عن اتباع هدى الله لكن يأتي في مقدمتها وفي صدرها كيد الشيطان. Il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup de choses qui sont la cause que la personne se détourne de la voie d'Allah, de la guidance d'Allah, du livre d'Allah, de la sunna de son prophète, alayhi salatu wasalam. Mais à la tête de tout ça vient qui? Les manigances de Shaitan, le complot de Shaitan contre la descendance d'Adam. الشيطان الذي أخرج آدم من الجنة وأقسم أن يبقى في كيده لذرية آدم لا يوم يبعثون أقسم بعزة الله أن يبقى في كيده لهم إلى يوم البعث وله طرق كثيرة وأزيدكم له خبرة واسعة في هذا المجال خبرته أطول الخبرات داخل الإسلام. عندما يتحدث الناس الآن عن الخبرة الواسعة, فلان له خبرة واسعة في هذا المجال, أطول خبرة في مجال الإضلال وغواية الإنسان خبرة الإبليس, لأنها خبرة قديمة نشأت منذ كيده لآدم عليه الصلاة والسلام وبغضه له وحقده عليه, فعنده خبرة واسعة ومتدرب وعنده مهارات وأساليب وطرق وحيال كثيرة جدا يصد بها الناس عن دين الله عز وجل. الشيطان كي يصغتي Adam alayhi salatu wasalam du paradis, il a pris le serment par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va comploter contre Adam et sa descendance jusqu'au jour de la résurrection. Et il a fait le serment par la puissance d'Allah. Fabi'izzatika. Hein? Jusqu'au jour de la résurrection. Par différentes voies, il vient. Différentes ruses. Et en plus de ça, il a la plus grande des expériences, une grande expérience dans cette situation. Une grande expérience. Et c'est la plus longue expérience qui existe. Quand les gens parlent que celui-là, il a une expérience dans ce domaine, celui-là, il a l'expérience dans ce domaine, ah, il a une longue expérience. Il faut savoir que la plus longue des expériences, comme a dit Cher ici, c'est l'expérience d'Iblis, une expérience dans l'égarement, dans la déviance, dans le complot contre la descendance d'Adam. Cette expérience, il a commencé depuis qu'il nie en lui la haine de Adam alayhi salatu wasalam. Il a jalousie contre Adam alayhi salatu wasalam. Donc il a une grande expérience. En plus, il est expérimenté, il est bien entraîné. Et il est excellent. Hein? Comment vous appelez les super, là, je ne sais pas comment vous... Quelle description tu peux lui donner. Il est au summum de l'expérience dans ce domaine. Hein? Et il a des différentes voies, différentes ruses par lesquelles il vient pour l'égarement de la descendance d'Adam. Pour les détourner de la religion d'Allah. Et comme il est décrit, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ainsi dans le Coran. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktarahum shakirin. Il a dit, dans le verset, dans la traduction approximative, dit ceci. Je vais venir de devant eux, de derrière eux, de droite, de gauche, et beaucoup parmi eux ne seront pas reconnaissants. Hein? أكثر الناس يضلهم عن دين الله ويصدهم عن اتباع هدى الله عز وجل وله طرق كثيرة. Beaucoup de gens, Satan les a fait égarer de la religion d'Allah. Il les a fait éloigner du fait de suivre la guidance d'Allah Azza wa Jal. Et il a beaucoup de moyens, beaucoup de voies par lesquelles il arrive à son but. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Dans cette verset cité ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit dans cette traduction approximative, excite-les par ta voix, c'est-à-dire par les chants, par la musique, excite-les. Hein? Et emploie toutes tes armées contre toute ta cavalerie, toute hein, ton armée qui marche à pied, ou là, emploie-les tous. Et associe-toi dans leur fortune et dans leurs enfants. Et promis-leur des choses. Et les promesses de Shaitan, ce ne sont que tromperies. Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Et qui sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il le reconnaît. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. La crème. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a élu. Ceux qui ont accompli la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sincérité et dans le suivi. Hadullah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit hein, de les prendre avec. Abadan, il ne les prendra pas. Pourquoi? Parce que ils ont accompli la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam et du messager alayhi salatu wassalam pour les communautés qui sont passées avant. Il ne pourra rien contre ceux-là. C'est pour ça que dans ce verset, il dit « Inna ibadi, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. » Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Khalas. Tu vois, hein? Regarde comment, au niveau de la musique, combien il égare de gens. Hein? Regarde. Regarde ce qui arrive dans ces grands concerts, etc. Hein? La débauche qu'il n'y a pas, la drogue qu'il n'y a pas, les viols qu'il n'y a pas. Hein? Le fait que beaucoup de chiens se réunissent sur une même femme. Dans ce genre de, hein, d'animalerie. Hein? Regarde ce qu'il n'y a pas. L'amr tani akha l'islam. Taqlidu l'aba'i wal ajdad. Wahadi shubhatun. Ou janibun khatir. Yasuddu kathiran minan nasi an ittiba'i hudallah. Et le deuxième point qui fait égarer les gens, qui les éloigne de la guidance d'Allah, c'est le fait d'imiter les parents, d'imiter les parents. Et ça, c'est une grande ambiguïté. Il y a un côté dangereux de la situation qui éloigne beaucoup de gens du fait de suivre la guidance d'Allah. Mes parents sont comme ça. Dans notre village, on fait comme ça depuis tout le temps. Hein? عندما تأتي إلى نصراني أو يهودي أو مجوسي أو كافر وتعرض عليه الدين وتوضح له الأدلة وتبسط له النصوص قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي بالبراهين الواضحة ولا يستطيع أن يرد عليك في برهان منها ببرهان آخر لكنه لا يقبل منك ولا يتبعك لحجة واحدة وهي هل أترك ما عليه الآباء والأجداد؟ هل أترك ما عليه العشيرة؟ قال عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا يجيبون بدون دليل وبدون برهان وبدون حجة سوى متابعة الآباء والأجداد وهذا جانب خطير. Et donc, concernant fait d'imiter les parents, les grands-parents, etc., il dit, quand tu arrives devant un chrétien ou un juif ou un zoroastrien, un adorateur du feu ou autre, ou un mécréant, et tu lui exposes comme il se doit la religion, et tu lui donnes les preuves, et tu lui simplifies les preuves pour qu'il comprenne, etc., et tu lui ramènes les preuves irréfutables. Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein? Tu ramènes des preuves qu'il ne peut pas rejeter et qu'il ne peut pas contrer avec d'autres preuves. Mais il n'accepte pas de toi. Il ne te suit pas. Pour une seule preuve, pour une seule chose, il ne te suit pas. Je vais délaisser la voie sur laquelle sont mes parents et mes arrière-grands-parents, je vais délaisser leur voie. Je vais délaisser la voie sur laquelle sont ceux de ma tribu. Et le verset, il est clair, qu'il a cité cher ici. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nous avons trouvé nos parents sur une voie et nous sommes sur leur trace. Khalas. Et nous sommes sur leur trace. Ainsi, ils répondent, sans preuve. Tout simplement, il met en avant le fait de suivre les parents. Et ça, c'est un côté très dangereux. إذا كان الأب وهذا يدركه كل إنسان إذا كان الأب مجرم سفاك للدماء فاجر عاتي ظالم يسرق وينهب هل للابن أن يتبعه لا لشيء إلا لكون أبيه كذلك maintenant c'est et ça c'est quelque chose que tout le monde capte tout le monde comprend hein et qui rentre dans la logique des gens hein. Si le père maintenant est un criminel qui fait couler du sang, hein, injuste, très dangereux, il s'accapare de l'argent des gens, il vole, il pille et ainsi de suite. Est-ce que l'enfant doit le suivre parce que c'est tout simplement son père? Abadan, jamais de la vie. كذلك الأمر إذا كان الأب كافرا معرضا عن دين الله غير قائم بطاعة الله ليس للابن أن يتبعه بل الواجب اتباع هدى الله الذي جاءت به رسل الله وجاء في كتاب الله وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم il en est de même quand le père il est mécréant quand le père il est détourné de la religion d'Allah quand le père n'accomplit pas l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala l'enfant n'a pas à le suivre. Il est obligatoire pour lui de suivre la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre ce que les prophètes ont transmis alayhi salatu wassalam, de suivre le livre d'Allah et ce qui est dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et non pas la voie sur laquelle était la tribu, les parents, les arrière-parents et ainsi de suite. يقول الامر الثالث التعلق بالدنيا. الشيطان وضع هذه الشبهة في قلوب الكثير وأوهم كثيرا من الناس أن الدين يتنافى مع الحضارة ويتنافى مع الرقي ويتنافى مع كمال الإنسان في حضارته بل إن بعض الضلال ألف رسالة في هذا الدين سماها هذه هي الأغلال يقصد الدين الإسلامي أي أن الدين الإسلامي أغلالا تحول بين الإنسان وبين الحضارة قال الله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يعني توهموا أن الدين يحول بينهم وبين الانتفاع بالدنيا والاستفادة منها والترقي في حضارتها مع أن الدين لا يحول بين المسلم وبين شيء من ذلك. Et le troisième point, c'est le fait d'être attaché. Que soit attaché à ce bas monde. Shaitan a immiscé cette ambiguïté dans le cœur de beaucoup de personnes. Il leur a donné l'illusion que la religion est en contradiction avec la civilisation. La religion est en contradiction avec le progrès. La religion est en contradiction avec la civilité. Hein? Certains égarés ont écrit un livre qu'ils ont intitulé ça, ce sont les chaînes. Ils parlent de la religion musulmane. Ils veulent que la religion musulmane est une chaîne qui empêche l'être humain d'être dans la civilisation et de profiter des progrès, et ainsi de suite. Cheikh, il a cité un verset ici, dans la traduction approximative, où Hadou, ils ont dit, « Si on suit la guidance avec toi, c'est-à-dire si on te suit, toi, le messager, vers ce que tu nous appelles, on nous arrasera nos terres, on ne prendra nos biens, donc on n'aura plus de biens. » Hein? Ils ont eu cette illusion, comme dit Cheikh ici, que la religion est une barrière entre eux et le fait de profiter des choses de ce bas monde, et le fait de profiter du progrès et de la civilisation. Alors que la religion musulmane n'est pas une barrière entre le musulman et autre chose. Lakin, الدين يحول بين المسلم وبين معصية الله وارتكاب نهي الله والوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. Mais la religion à l'islam est une barrière entre le musulman et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Est une barrière entre le musulman et ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. أما الدنيا فإن الإنسان مباح له أن يترقى فيها وأن يطلب فيها الرزق وأحل لهم الطيبات سبحانه وتعالى بل إن الله خلق جميع ما في الدنيا للإنسان ليطيع الله وليعبد الله وليمتثل أمر الله تبارك وتعالى فالتعلق بالدنيا أمر يحول بين الإنسان وبين طاعة الله تبارك وتعالى. Et il dit, Aïda Allah Ta'ala, quant à ce bas monde, l'être humain, il lui demandait de prendre ce qui est autorisé dans ce bas monde. Il lui est autorisé de prendre ce qui est. Et de profiter de la civilisation, du progrès, etc. Et de prendre les bonnes choses. Ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala a autorisé. Et ce qui n'est pas haram. En plus de ça, Allah Subhanahu wa Ta'ala a créé tout ce qu'il a créé dans ce bas monde pour l'être humain. Pour qu'il obéisse à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et pour qu'ils réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'ils se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Cheikh, il dit, le fait de s'attacher à ce bas monde est une barrière entre l'être humain et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le cœur est accaparé par ce bas monde, mais c'est une barrière. Il dit, « Thumma al-i'rad wa al-ghaflatu allati ta'tari kathiran min al-nufus » الإعراض عما خلق له الإنسان والغفلة وقد أشرت فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون وقول الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فالغفلة والإعراض تحول بين الإنسان وبين اتباع هدى الله عز وجل. Et aussi le fait de se détourner, le fait d'être insouciant, cette insouciance qui s'appare, qui s'accapare de certaines personnes, le fait de se détourner du but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, et le fait d'être insouciant. Et il dit, j'ai fait allusion à ceci auparavant, quand il a cité le verset qu'il a recité ici. Hein? Et ceux qui n'ont pas cru en la vérité, hein? Parmi les mécréants, ceux qui n'ont pas cru en la vérité, et qui ont fait les choses qui leur ont été interdites, c'est-à-dire ils ont donné le dos, hein? À l'avertissement qu'ils ont reçu. Hein? Et ils ont laissé, ils ont donné le dos à la vérité, ils ont fait le contraire. Hein? Et donc, et aussi dans l'autre verset qu'il a cité, il a dit, ils connaissent certains aspects de la vie. Mais ils sont insouciants des choses de l'au-delà. C'est-à-dire, les choses de l'au-delà sont absentes dans leur esprit. Ils n'existent pas dans leur esprit. Ils sont absentes. Mais ils connaissent certains aspects de ce bas monde. Donc le fait de se détourner du but pour lequel l'être humain a été créé, ceci est une cause de ne pas suivre la guidance d'Allah. يقول واسباب الصد عن اتباع هدى الله كثيرة والتوفيق كما قدمت بيد الله تبارك وتعالى والهداية بيده يهدي من يشاء ويضل من يشاء. Il dit les causes qui vont détourner de la guidance d'Allah sont nombreux. Et l'accomplissement, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et il dit, وفي الختام, أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى العليا أن يهديني وإياكم صراطا مستقيما وأن يوفقني وإياكم لاتباع هدى الله وأن يعيذني وإياكم من همزات الشياطين وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه وأن يقينا من الشبهات والشهوات وأن يجعلنا من أهل الخيرات من المؤمنين المتقين من الذين يمتثلون أمر الله ويطيعون رسله ويعملون بطاعته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم ذلك وأن يوفقنا لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. يقول آمين. يقول زادنا الإخوة بقراءة نص له ارتباط بالمحاضرة. Il dit, les frères nous ont rajouté autre chose qui est le fait de lire un texte qui a rapport avec cette conférence. والحقيقة كنت أرغب في قراءتي في أثناء المحاضرة. يبين لنا كمال هذا الدين وكمال هذا الشرع وتمامه. وهو من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. وهو نص في غاية الأهمية مما يبين لك كمال هذا الدين. والعاقل عندما يستمع هذا النص الذي عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ينشرح صدره تمام الانشراح باتباع هدى الله عز وجل الكامل الذي يتناول جميع جوانب حياة المسلم. Après avoir fait dua, que les frères lui ont rajouté le fait de lire un texte qui a rapport avec cette conférence. Il dit, en réalité, il avait envie de lire ce texte au milieu de la conférence, car ce texte montre comment cette religion musulmane est complète, comment cette législation elle est complète. Et ces paroles, ce sont les paroles de Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre بدائع الفوائد. Il dit, c'est un texte qui est d'une grande importance et qui montre, qui donne des éclaircissements sur le fait que cette religion, elle est complète. Il dit, celui qui est doué de raison, quand il écoute ce texte, qui est prouvé par beaucoup de preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager, son cœur s'apaise, son cœur s'ouvre complètement au fait de suivre la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce texte, la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a rapport avec tous les aspects de la vie du musulman. Yaqul qala ibn al-Qayyim rahimahullah faqad tufi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma min ta'ir yuqallibu janahihi fi as-sama' illa wa qad dhukira lil ummati minhu 'ilman وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول. ابن القيم رحمه الله nous dit, الرسول صلى الله عليه وسلم est mort. Il n'est pas mort qu'après avoir montré à la communauté, il aura parlé de toutes les choses, même l'oiseau qui tourne ses ailes dans le ciel, il leur a parlé des oiseaux, de tout. Et il a cité à la communauté, il leur a donné la science de toutes choses. il leur a enseigné même le comportement à avoir pour faire ses besoins et le comportement à avoir pendant le rapport avec sa femme et le comportement à avoir pour le sommeil et comment se réveiller, comment s'asseoir, comment manger, comment boire, comment monter dans sa monture, comment descendre. وصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين. Il leur a donné la description du trône et du kursi et il leur a donné la description des anges, du paradis, de l'enfer, du jour de la résurrection et comme s'ils le voyaient. وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه بما وصفه لهم من صفات كماله ونعوت جلاله. Et il leur a fait connaître leur souverain et leur seul digne d'être adoré de la meilleure des définitions et des meilleures des définitions, comme s'il le voyait comme dans ses attributs qui sont comme il sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Et وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. Et il leur a fait connaître les prophètes des autres communautés et les problèmes qu'ils ont eu avec leur communauté comme s'ils les voyaient. Et il leur a fait connaître les voies du mal et les voies du bien, les choses subtiles, les choses minutieuses, que aucun prophète n'a fait connaître à sa communauté avant lui. Alayhi salatu wassalam. وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما جلى لهم ذلك حتى كأنهم يعاينونه. Il leur a fait connaître les situations de la mort et de l'agonie de la mort et ce qui va arriver dans le barzakh qui est un monde intermédiaire entre ce bas monde et le delà et ce qui va leur arriver comme délice dans la tombe ou comme châtiment et les châtiments qui va y avoir dans le delà et les délices qu'il y aura dans le delà concernant le corps et concernant les âmes, hein, il leur a donné des éclaircissements sur toute cette situation comme s'il le voyait. وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة إلى كلام أحد من الناس البتة. Et aussi, il leur a fait connaître les preuves du monothéisme, les preuves de la prophétie, les preuves du grand rendez-vous, de l'au-delà. Et il leur a fait la réplique à tous les groupes de déviance et tous les groupes de l'égarement et de la mécréance. Et que celui qui connaît ceci, il n'aura pas besoin de paroles de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il connaît cette science qu'a prodigué ce messager alayhi salam à sa communauté. Il aura besoin de la parole de qui que ce soit. Pas besoin de paroles de qui que ce soit. « Wa kadhalika arrafahum min makaid al-hurub wa liqa'i al-adou wa turuqi al-dhafr bih » ما لو علموه وفعلوه لم يقم لهم عدو أبدا. Et aussi, il leur a montré les stratégies de la guerre et comment rencontrer l'ennemi et comment triompher sur l'ennemi. S'ils le mettent en application, aucun ennemi ne résistera devant eux, jamais. وكذلك عرفهم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يحترزون به من كيده ومكره وما يدفعون به من شره ما لا مزيد عليه وكذلك أرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. Et aussi, il leur a fait connaître les stratégies et les manigances et les complots d'Iblis et ses voies, hein, de là où il va les atteindre. Et il leur a fait connaître comment se protéger de Iblis et de ses manigances. Il leur a fait connaître les choses avec lesquelles ils vont repousser son mal. et il leur a donné cette connaissance. Et après cette connaissance qu'il leur a donnée, ils ont besoin d'aucune autre connaissance. Et aussi, il les a orientés vers les choses de leur bas monde. Si ils accomplissent les choses vers lesquelles il les a orientés, Dunia arriverait vers eux. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحد سواه. Et en général, il leur a annoncé les choses de ce bas monde et toutes les choses de ce bas monde et les choses de l'au-delà. Hein? Ils ont besoin de qui que ce soit après ce message, alayhi salatu wassalam. Il leur a tout annoncé, alayhi salatu wassalam. كنت لدي حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه بما وصفه لهم من صفات كماله ونعوت جلاله. Il leur a fait connaître leur souverain et leur seul digne d'être adoré de la meilleure des définitions, comme s'ils le voyaient. Certes, ils ne le verront pas dans ce bas monde, hein? Mais il leur a cité les attributs qui ne sient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa majesté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certes, ils ne le verront que dans le delà. Les croyants verront leur souverain, azza wa jal. Dans ce bas monde, c'est impossible. Hein? Yaqul al-shaykh hafidhahullah, hada an-nass al-azim, man aqilahu, wa tala'a ba'da adillatihi fi kitabillah, wa sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, عرف كمال هذا الدين وعرف تمامه وعرف تناوله جميع جوانب الحياة في كل أمر وفي كل جانب تجد أن الدين الإسلامي يدعو إلى كل كمال ويدعو إلى أحسن المراتب وأرفع الدرجات. Il dit ce noble texte, et le texte cité de Bada'i al-Fawaid du Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, dit celui qui le comprend bien et qui va chercher ses preuves dans le livre d'Allah. Tout ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim, va chercher les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, tu vois, la personne va savoir que cette religion, elle est complète. Il va savoir que cette religion a traité tous les aspects de la vie. Hein? Il va savoir que cette religion appelle vers ce qui est le meilleur et vers ce qui est complet. Et il appelle vers les meilleures situations et les plus nobles situations et les plus hauts degrés. يقول فمن عرف هذه الصفات لدين الإسلام وفهمها وشرح الله صدره للدين اتبع هدى الله. Il dit celui qui connaît ces caractéristiques de cette religion musulmane et qui les comprend et que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert son cœur au fait de suivre la guidance d'Allah, هذا قل هذا النص أوصي الإخوة بالعناية به والعناية بشرحه وإيضاحه عندما يدعون غير المسلمين إلى الإسلام وعندما يبينون لغير المسلمين الإسلام يشرحون لهم معاني الإسلام السامية وأخلاقه العالية وآدابه الرفيعة وتوجيهاته الحكيمة التي تتناول كل جانب من جوانب الإسلام. Il dit ce texte, je conseille à mes frères de s'occuper de ce texte, de s'occuper de l'explication de ce texte et de l'éclaircissement de ce texte quand ils appellent les non-musulmans vers l'islam. Et quand ils montrent aux non-musulmans l'islam, et quand ils lui expliquent les définitions de l'islam, et la noblesse du caractère et du comportement de l'islam, et les orientations sages de l'islam, car l'islam traite tous les aspects de la vie. يقول وكم من إنسان دخل الإسلام عندما بُينت له الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام والآداب التي يدعو إليها الإسلام والكمال الذي يدعو إليه الإسلام في كل جوانب الحياة في البيع في الشراء في النوم في اليقظة في الصلاة في الوضوء في الطهارة في كل جانب تجد أن هذا الدين العظيم يدعو إلى أكمل الرتب وأعلم المقامات وأرفع الدرجات. Il dit combien d'êtres humains sont rentrés dans l'islam quand on les a éclairés sur les comportements, hein, dans lequel appelle l'islam. Et combien de gens sont rentrés dans l'islam quand ils ont sait que cette religion elle est complète, que cette religion a traité tous les aspects de la vie et qu'il a appelé vers tout ce qui est meilleur dans tous les aspects de la vie, que ce soit au niveau du commerce, hein, au niveau de la vente, comment dormir, comment se réveiller, dans la prière, dans le dos, dans la purification, dans tous les aspects. Tu vois que cette religion est noble et il appelle vers ce qui est complet à tous les niveaux et vers les hautes sphères et vers les hauts degrés. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense Cheikh Abdelrazzaq pour cette conférence et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un comportement adéquat et un comportement qui est digne de la religion musulmane, qui est digne de la sunna de notre prophète alayhi salam, et qu'il fasse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermit sur la sunna de notre, sur le livre d'Allah, la sunna de son prophète alayhi salam, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs radhiyallahu anhum. Wa astawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'u wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.